Bonjour et bienvenue dans les amateurs de Mac Bonsoir, émission qui répond à vos questions sur les produits Apple. Donc, les questions, vous avez de la misère avec votre ordinateur, même si c'est un Mac, vous n'êtes pas supposé avoir de la misère parce que c'est un Mac justement. On est là si jamais il y a des choses un peu plus complexes, disons, et certaines procédures. On est avec Jeff. Jeff, ça va bien? Oui, ça va très bien, toi? Oui, je t'entends en double. En double? En double. As-tu fermé ton volume sur Spreecast? Ben oui, mais mon micro est là. Ouais. OK. Excusez-moi. Quand ça a redémarré, je vais expliquer pour tout le monde qui nous écoute dans le podcast de Mac-Québec. Ben en fait, on va présenter Patrick. Patrick Ducharme qui est là. Bonjour Patrick. Salut. J'ai jamais dit autant de Patrick dans ma vie dans une phrase. Ça va bien? Oui, ça va. Vous autres aussi? Oui, ça va très bien. Comme vous avez pu voir, Alexis n'est pas là ce soir, alors il est en vacances. Il est ça y tentait plus l'année du podcast. C'est ce qu'il nous a lâché. Il a lâché. il est tanné. J'allais dire une joke, mais comme on la connaît juste à l'interne avec Québec, je la ferai pas. Ouais, c'est ça. Ça n'aura pas à tirage, mais bon, je fais pas ça. C'est correct. Je ne tirerai pas là-dessus. Puis moi, Vincent Miller, vous pouvez me retrouver sur Twitter, DVV Miller. Le Phil Schiller de la technologie, mais me présenter comme ça, wow. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. On va commencer tout de suite, puis je vais expliquer. En fait, quand le monde qui nous écoutait sur le podcast de Mac-Québec, c'est très simple pourquoi je me suis déconnecté. Mon ordinateur, il n'y avait plus de batterie. J'avais pas connecté mon ordinateur, puis je suis dans le salon en ce moment, dans la salle à dîner. Fait que, ça a lâché à la dernière minute, malheureusement. J'ai manqué la fin, mais il en restait pas beaucoup. Fait que, on va faire avec, il n'y a pas de problème. Ouais. Donc, c'est ça. On a-tu des questions, JF, dans notre document? Oui, on a une de Benoît Desjardins sur Mac Québec Entraide. Il nous demande plutôt, est-ce que vous connaissez une application pour transférer des fichiers sur iPhone sans passer par iTunes? Quel genre de fichier? Ça en dit pas plus dans le message, mais moi je peux y donner un logiciel en partant. Ça s'appelle iExplorer. C'est Macroplan qui fait ça. C'est comme c'est une application qui crée comme une clé USB de votre iPhone ou iPad, iPod Touch là. Quand vous ouvrez l'application puis que vous branchez votre iBidule sur votre ordinateur, ça, c'est comme ça créerait un disque dur, mais que vous pouvez mettre des fichiers, n'importe quel fichier à l'intérieur là, ça passe tout là, fait que tout passe là-dedans là. C'est sûr que si vous écoutez des fichiers MKV, je pense pas que ça va marcher là. Mais c'est une application iOS ou une application Mac? Une application Mac. Okay. Tu connaissais pas ça? C'est sur iOS. Non, c'est ça. C'est une application Mac. Ça s'appelle iExplorer. C'est très simple. Là. C'est comme je vous dis, vous démarrez ça, vous branchez et ça fait comme un disque dur de plus sur votre bureau et vous mettez tous vos fichiers à l'intérieur et ça lit, mettons, quand vous allez le redébrancher. Puis là, vous voyez, mettons, dans... mettons comme dans photos, vous allez avoir la photo c'est quoi l'autre fichier dans vidéo, j'imagine. Ouais, dans vidéo ils vont être là, dans texte aussi je pense qu'ils vont être là, apparaître dans notes. Ça fonctionne finalement de voir ton système, ton sous-système avec tes fichiers, tes sous-fichiers, tes dossiers, ces choses là Oui, c'est ça. Mais tu vois pas le reste du système parce que pour faire ça, il faut que ce soit jailbreaké. Mais bon, c'est un bon contrepartie en prenant ce petit logiciel-là. Ça coûte, je pense, une 10 ou 15 $ si ma mémoire est bonne du logiciel. Puis sinon, c'est ça. Là, il y en a un autre, ça s'appelle Dapi de Calista, mais j'en parlerai pas parce que je le connais pas. Fait que je pourrais pas. Il y a une solution simple aussi qui est Dropbox. Ouais. C'est pas exactement. Ça met pas les fichiers directement, mais ça peut. Dropbox, je pense pas qu'il les transfère à l'intérieur du téléphone. Hein? Non, tu peux l'ouvrir avec l'application. Mais... Tu peux l'ouvrir. Fait que tu sais, s'il y a des fichiers, des photos que tu veux aller voir ou des fichiers audio, vidéo encore, des PDF ou des. Je sais pas s'il lit les docs, mais il en lit quelques-uns. Fait que ça pourrait être un. Si Dropbox fait ce que vous avez besoin de faire, tant mieux. Ça va être gratuit. Le logiciel que JF a parlé, là, qui est à 10 ou 15 $ là, ferait l'affaire si quelque chose d'un peu plus poussé. Là. Ouais. Ben, sinon, il y a quand même d'autres. Il y a une affaire qui s'appelle Simple Transfer sur iOS qui te permet de ça fait comme te créer un serveur sur l'appareil iOS. Puis avec un navigateur, tu peux aller browser tes photos que tu as dans l'appareil. Mm-hmm. Et tu peux les télécharger directement sur ton ordi par là. OK. Il y en a beaucoup. Si vous cherchez, il y a plein de logiciels. Plusieurs sont payants. Il y en a certains qui sont gratuits. Il faut chercher. Là. On en connaît quelques-uns, mais cherchez sur Google. Vous allez en trouver plusieurs. Là. Ben, sur le chat, il y a Cetigidou qui donne un lien où ce que c'est un comparatif d'applications pour transformer un iPhone en clé USB. OK, bon. Tu veux-tu y aller, JF? Oui, attends un peu, 2 secondes. Oui, OK. Les documents iCloud liés aux applications de iWorks ou aperçus sont visibles seulement dans ces applications. Y a-t-il moyen d'y accéder par le Finder? Oui, mais c'est pas recommandé de faire ça parce que si vous touchez à ces fichiers-là, ça va désynchroniser votre cloud. Alors, les fichiers ne sont plus pareils chez Apple que dans votre ordinateur. Alors, il faut que vous fassiez très attention en touchant à ça. Le chemin de parcours pour aller chercher ces documents-là, c'est dans la bibliothèque de l'utilisateur et il y a un dossier qui s'appelle Mobile Documents. Il n'est pas en français, là. Il reste tout le temps en anglais, même si votre système est en français. Puis vous avez tous les documents, mettons iWorks, iMovie, GarageBand, tout se retrouve là-dedans. Ça veut dire que quand tu enregistres dans le iCloud, il y a quand même la version qui est enregistrée dans ce document-là? Ouais. OK. Ouais. Fait que tout ce que vous faites, vous l'avez dans votre ordinateur. Mais fallait le savoir parce qu'on ne le savait pas au début. Ouais, mais tu sais, dans le fond, c'est parce qu'ils veulent que le monde adopte la philosophie du cloud. Exactement. C'est pas ce qu'ils veulent. Si ça risque d'être un peu plus long que si le fichier était juste sur le web, pour l'ouvrir, par exemple, un fichier page ou un fichier, je sais pas moi, une musique ou un fichier vidéo, peut-être, là, peut-être ce serait un peu plus long à télécharger dans ce cas-là. Fait qu'il garde une version locale. C'est pratique. On répond rapidement aux questions. Gary Kenny qui nous demande sur Mac Québec Entraide. Sa petite fille de 2 ans a échappé son iPad de 2 sur le plancher. Fait que résultat, ben, la date de verre qui est sur l'iPad a brisé. J'avais entendu cette question-là. Ouais, mais je pense pas que c'est la même. C'est un autre, je pense. Ouais, OK. C'est peut-être quelqu'un d'autre dans ce cas-là. Le iPad fonctionne très bien. C'est pas l'écran, le pavé tactile en dessous de l'écran, c'est vraiment juste la dalle, le verre. L'écran tactile ne semble pas avoir subi de dommages. 2 questions. Est-ce qu'à la longue, le verre peut venir briser le iPad en se détachant? Et l'autre question, c'est quel est le coût de la réparation pour le bris d'une dalle qu'Apple, le genre, est-ce qu'Apple fait le genre de réparation? Ben, Apple le fait, là. Je ne sais pas combien ça coûte, malheureusement, changer une vitre, là, mais il me semble Apple, Apple le fait. Oui, ben c'est sûr qu'ils vont vous le charger. Là. Ça, c'est sûr que si vous arrivez là, puis vous arrivez avec votre dalle qui est pétée en 23 petits morceaux, c'est sûr qu'ils vont vous le changer. Est-ce qu'il y a un dommage au iPad s'il y a un petit morceau qui tombe, qui rentrerait dans le iPad en tant que tel? Je pense pas. Parce qu'il y a quand même une. C'est comme ça va donner comme une vitre de voiture, tu sais, mettons vous pétez votre vitre de voiture, elle tombe pas en morceaux là, tu sais, c'est comme je sais pas c'est quoi la méthode qu'ils prennent pour les vitres de voiture, mais tu sais ça tombe pas en morceaux, ça fait juste casser en plus petits non, morceaux. C'est une vitre qui est une vitre en verre trempé, je crois. Oui, c'est ça exactement. Si par exemple vous brisez la fenêtre en arrière, là, si vous donnez un coup dessus, elle va casser en morceaux. Mais en avant, si vous recevez par exemple un projectile, ce serait assez dommage de conduire en même temps. Puis là, vous recevez un projectile sur la fenêtre, puis elle casse en plein de morceaux pendant que vous êtes sur l'autoroute, par exemple. Ce serait pas très pratique. Ça sera, non, c'est ça exactement. J'ai fait des petites recherches aussi. Puis Apple offre un échange pour 250$ si, mettons, vous brisez votre iPad, la dalle de l'écran hein, en tant que tel. Sinon, il y a Zone Accro qu'on parle beaucoup ici au podcast qui se trouve sur Sainte-Catherine au coin de Saint-Laurent. Sainte-Catherine, Saint-Laurent, je pense. Non, Amherst. En tout cas, c'est sur Sainte-Catherine, ça s'appelle Zone Accro. Ils font des réparations iPhone, iPad, iPod Touch, toutes les. Les produits Apple, ce qui est écran à l'intérieur aussi, je crois qu'ils le font, mais surtout l'écran, il répare toutes ces bidules-là. C'est sûr qu'il faut faire très attention, là, je veux dire, même s'il est fonctionnel, moi, je jouerais pas trop avec, là. J'aurais trop peur. C'est comme en ce moment, la fenêtre, s'il n'y a pas de morceaux, s'il y a juste craqué, puis il n'y a pas de morceaux qui tombent, ça va tenir un bon bout de temps, puis il ne devrait pas y avoir de problème. Mais si, par exemple, c'est très craqué, il peut y avoir à la longue des morceaux qui tombent. Puis s'il y a des morceaux qui tombent, et qu'il y a quelque chose qui touche en dessous, par exemple, qui touche le pavé tactile qui est en dessous de l'écran, là, il pourrait y avoir des dommages. Fait que c'est sûr que si il y a des petits morceaux de vitre qui ont tombé, faudrait les changer. Si, par exemple, ça vous dérange pas parce qu'il y a une craque, mais vous ouvrez l'iPad, puis quand il y a la lumière qui est allumée dessus, ça paraît pas vraiment. Ou quand vous le tenez droit devant vous, il paraît pas, mais quand vous le tenez avec un certain angle, là, il paraît. Puis vous pouvez l'endurer, ben endurez-le. Mais c'est sûr que ce serait plus intéressant d'aller changer pour être sûr, là. Surtout s'il y a des morceaux qui se détachent au fur et à mesure. Mm-hmm. C'est sûr. Il y a une question. Je pense qu'on a une question dans le chat. On a deux questions. La première que j'ai, moi, ici, c'est comment limiter Time Machine sur un disque dur externe? Je ne veux pas qu'il prenne tout mon disque. Moi, personnellement, je ferais un formatage. Je le séparerais. Je pense que deux partitions. Une partition. Pour séparer la partie, vous choisissez la partition avec laquelle vous voulez sauvegarder Time Machine, puis l'autre côté, ben, vous le gardez pour vos choses personnelles, par exemple. Ce serait une solution. C'est le seul moyen, parce que Time Machine, lui, il n'y a pas de. Lui, il va prendre tout l'espace qu'il a besoin pour faire ses backups. Alors, il n'y a pas moyen de dire, OK, toi, je veux que tu me prennes, mettons, comme moi, mon disque dur, c'est un quoi, là? Que j'ai dedans? Je pense que c'est un gig, je pense que j'ai. Fait que j'ai pas, moi, dans ma Time Capsule, je parle. Je peux pas dire à Time Machine, je veux juste que tu me prennes, mettons, 750 gigs d'espace sur le disque dur juste pour faire tes backups, et moi le 250 gigs qui reste, je vais m'en servir pour faire mettre d'autres choses dedans. Ça, je peux pas y dire. Fait que le meilleur moyen et le seul moyen, surtout sur un disque dur externe, c'est comme Vincent a dit, c'est de faire créer deux partitions sur votre disque dur. Sinon, il n'y a pas d'autre chose à faire. Il n'y a pas d'option, il n'y a pas aucune option là-dessus. Et ce qui est malheureux, par contre, c'est quand vous le formatez puis vous faites vos sauvegardes dessus. Ensuite, si vous mettez, par exemple, 750 GB, vous avez un disque dur d'un téraoctet, vous prenez 750 GB pour votre Time Machine, puis 250 GB d'espace pour vos choses personnelles, par exemple, des vidéos, des distributions de Linux, ces choses-là. En fait, puis vous décidez, par exemple, d'utiliser le 1 Teraoctet au complet, vous allez devoir formater pour avoir juste une partition au lieu de deux. Donc, ça va briser votre schéma de partition. Oui, c'est ça. Donc, c'est dommage, malheureusement. Je pense que la seule mise à jour qui avait été ajoutée dans Time Machine là, récemment, c'est avec Mountain Lion, puis c'est plusieurs disques durs de sauvegarde. Là. Jeff, je pense que tu as deux disques durs, toi. Oui. J'en ai une de branchée. Ben, j'en ai une dans ma Time Capsule. Et j'ai mon disque dur externe qui est branché USB sur ma AirPort Extreme. Alors, comme là, mon backup vient de se faire. Alors, les deux se sont faites en même temps. Je veux dire, la Time Capsule, la première, et ensuite, c'est transféré automatiquement sur mon disque dur externe. OK, mais il part. Il passe par. Non, mais je me suis mal exprimé, là. Mais il fait les deux en même temps. Ouais, OK. T'sais, il passe pas d'un à l'autre. Vers deux disques durs. Ouais, c'est ça. Fait que tu vois, quand vous ajoutez un disque dur dans Mountain Lion, quand vous allez en haut dans la petite horloge, là, c'est Time Machine, ça. Puis là, vous dites sélectionner un disque. Et puis là, vous voyez tous les disques qui sont disponibles pour faire vos backups. Et moi, je vois que j'ai ma time capsule, et je vois aussi que j'ai un disque dur USB branché après mon AirPort Extreme. Fait que je peux choisir ma time capsule, et je choisis aussi mon disque dur USB externe. Alors, une fois que ça se fait tout seul. Fait que vous n'avez même pas besoin de penser. Le backup se fait automatiquement. C'est au moins dans cette version-là de Mountain Lion, c'est vraiment le fun, parce que on se plaignait beaucoup, parce que moi, avant, je le faisais, mais tu sais, il fallait que je débranche le disque dur, je le rebranche dedans, dans mon ordinateur, et pour qu'il le fasse. Puis là, il fallait que je change de disque dur, que j'aille chercher mon disque dur USB, après que je remette ma Time Capsule, sinon ça marchait pas. Fait que là, maintenant, je pense que j'ai pas vérifié, mais je sais pas combien de disques durs qu'on peut brancher maintenant après Time Machine. Là. Mais. C'est-tu long, toi, faire tes backups? Comment? Ça prend-tu du temps? Non. Moi, le mien, pourtant, je fais presque pas de changement, puis des fois, ça prend 3 heures. Ben, c'est quoi? Toi, c'est direct sur la Time Capsule? Ouais. En 5... En 5... gigabit Ethernet? Ouais. Ah, ouais? Ouais, c'est super lent. J'ai peut-être un problème avec ma Time Capsule, je sais pas, là, mais... Tu l'as-tu... Puis souvent, il déconnecte, puis il se finit pas, faut que je le recommence. Ah, ouais, puis l'as-tu essayé filaire? Oh, ben, c'est ça, ouais, c'est ça. Je suis juste filaire. Non, mais je veux dire, de ton ordinateur... Directement USB. Non. De ton ordinateur à ta Time Capsule filaire, tu l'as-tu essayé? Non. Ah, essaye-les peut-être. Parce que toi, je pense que t'as la première version, toi aussi, hein, je pense. Ouais, c'est ça, puis je l'ai même changé une fois, parce que le power supply, il a lâché, ce qui était le défaut de... normal de ces produits-là. Ouais, c'est ça. Okay. J'ai un problème avec, mais le Wi-Fi. Mais là, moi, j'ai désactivé le Wi-Fi dessus, fait qu'il est branché filaire sur la AirPort Extreme, fait que j'ai plus besoin de Wi-Fi, là, tu sais. Fait que il fait juste un bridge là, entre les deux, là. Fait que ça fonctionne numéro un. Puis le Mac voit... Moi, je suis branché sur mon AirPort Extreme, puis il voit ma Time Capsule, là, fait que ça fonctionne très bien, là. Okay. Moi, personnellement, je le branche directement à USB. Je le branche mon ordinateur tous les jours pendant la nuit pour le laisser le laisser charger. Mm-hmm. Puis quand je suis à la maison, puis il est branché, moi, ce que je fais, c'est que j'ai un écran HD pour pouvoir écouter des émissions, par exemple, en HD, ou avoir un écran plus grand. J'ai un Mac en ce moment, un MacBook Pro 13 pouces. Donc, avoir un écran plus grand, c'est plus pratique. Mm-hmm. Puis je fais juste le mettre dans le tiroir, je le plug, puis ça se fait... j'ai un ordinateur, finalement, de bureau après ça. Je trouve pas vraiment... Je voyais que c'était très, très, très lent quand je le branchais, mon disque dur, dans le AirPort, moi aussi. Fait que pour que ça l'accélère, je le branche juste directement, puis ça règle le problème. Puis j'utilise un concentrateur de port que je sépare en deux pour mes imprimantes sur mon AirPort, puis ça fait... j'aime mieux ça comme ça. OK. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais moi, c'est parce que je me cherchais une utilité pour ma time capsule. Parce qu'avant, j'avais un disque branché en FireWire sur mon iMac directement, puis mm-hmm. ça fonctionnait super bien. Là. Ouais, c'est ça. Il faut dire aussi que nous autres, ben là, moi, j'ai MacBook Pro fin 2011, fait que j'ai pas le USB 3. Puis de toute façon, on va dire du... Est-ce que vous vous en servez du USB, vous, à part brancher vos téléphones puis vos affaires de même, là? Ben, les moi, clés USB pour l'iPad, mettons. Ouais, c'est ça. Mais à part ça... Ouais, j'utilise quand même assez souvent. En ce moment, mon micro est branché là. Ouais. Mais mon iPhone, je le branche. Mon iPad, je le branche. Quoi d'autre? Mes clés USB. Moi, j'ai mon lecteur Blu-ray externe. Mon disque dur. Ouais, avec... c'est quoi le logiciel, déjà? Moi, ouais, j'utilise Mac Blu-ray Player. Mac Blu-ray Player, ouais, c'est ça. Ça fonctionne bien? Ouais. OK. Il chauffe pas trop l'ordinateur quand il lit les Blu-ray? Comment? Ça a coupé, excuse. Ah, OK. Est-ce qu'il chauffe beaucoup quand il écoute quand il fait rouler des Blu-ray ou non? Okay. Parce qu'on sait tous qu'il y aura jamais de Blu-ray dans des Mac, je pense, là. Puis je sais même pas pourquoi il y a encore des lecteurs CD là-dedans, là, mais bon. Ben, il les enlève tranquillement. Ouais, il les enlève, ouais, c'est sûr. Même moi, il faut que je l'enlève le mien. Puis pourtant, le HD, je pensais qu'il allait justement se foutre un peu de ça. Puis pourtant, ils ont comme mis une prise USB. HDMI dans le MacBook Pro Retina. Mm-hmm. Ce qui m'a vraiment surpris, ça, quand j'ai vu ça. Mais moi aussi. On voyait des tests qui avaient été faits où il y a du monde qui branchait 5 écrans externes en Thunderbolt. Puis ça fonctionnait très bien. J'imagine cette prise-là, c'est justement peut-être pour avoir un transfert parfait en HD là, ou un projecteur. Ouais, c'est sûr que c'est pratique. En tout cas, HDMI, c'est répandu. Ouais. C'est ça. On a une autre question aussi là, dans le chat. Tantôt, tu parlais d'une deuxième question, Patrick. Ouais, c'était-tu à propos de iLife et iWork? Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui se demandait s'il allait avoir bientôt une mise à jour de ça, mais moi, j'ai rien vu passer là-dessus, en tout cas. Non, puis iLife, c'est quoi? D'habitude, ils font des mises à jour aux ans ou aux deux ans. iWork, ça, c'est encore 2009. Ils ont fait des mises à jour, là, c'est sûr, mais des grosses mises à jour, si vous avez acheté en 2009 votre iWork, c'est le même. Vous faites vos mises à jour après ça, puis vous êtes à jour avec la version actuelle. Puis non, il n'y a pas eu de rumeurs récemment sur ça, malheureusement. Là. Non, j'en ai pas vu non plus, en tout cas. Ben, pour dire franchement, à comparer de Microsoft avec sa suite Office qui disent que, et non, que ça sera pas Retina Display pour bientôt, moi, je trouve que Page, là, il fait très bien la job, là. C'est comme... Ouais. Une fois que tu l'as apprivoisé comme logiciel, là, moi je trouve que ça fait très bien la job. Il manque peut-être une couple de choses que Office offre, mais à part ça, fonctionne très bien. Là. Presque toutes les fonctions de Microsoft Office sont dedans. Puis en plus, vous êtes en plus avec la version d'iCloud est intégrée aussi dedans. Fait que vous n'êtes pas obligé de fuck-oyer le chien pour aller mettre ça sur vos. Sur votre iCloud, ça se fait automatiquement. Là. Fait que ce que Microsoft n'a pas encore. Et ouais, n'aura pas, je pense pas. De toute façon, moi, je fais même pas de. Je fais presque pas de traitement de texte, ça fait la même. Google Docs, ça me suffit. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de monde aussi. C'est ça. Je pense que c'est Kim, justement. Allô, Kim! Qui disait cette semaine qu'elle aussi, elle aime beaucoup Google Docs. C'est vrai que c'est le fun. Surtout à la gang, comme nous autres. Quand on écrit des choses, on voit tout en temps réel qu'est-ce qu'on fait, tu sais. C'est comme. Ben oui, parce que Il faut savoir que nous l'équipe là, de Mac-Québec, quand on fait le podcast, à chaque fois qu'on prépare l'équipe du podcast de Mac-Québec, on a un document, justement Google, qu'on met nos nouvelles dedans, nos liens, puis on les amateurs de Mac-Bonsoir, on met nos questions qu'on retrouve sur Mac-Québec Entraide. Donc, c'est vraiment pratique. Justement, on modifie puis on rajoute au fur et à mesure. Non, c'est très pratique. Puis justement, quand tu peux être autant tu peux être 2-3 ou tu peux être 50, puis ça va rouler aussi bien. Ouais, ça va fonctionner. C'est ce qui est pratique avec Google. Ouais. Une autre question? Ouais, ben il y a Michel 123 qui fait dire que mon Western Digital sur disque dur externe qui passe par le FireWire 800 va très vite pour faire le backup et iPhoto je ne vois pas la différence du disque interne. Là, je comprends pas, là, mais... Ouais, il a probablement mis sa librairie de photos sur son disque externe directement, peut-être. Ah, c'est peut-être ça, okay. Ouais. Ben, je pense pas qu'il va avoir une si grosse différence. Je pense que la librairie de photos est mieux d'être sur le disque dur, parce que le disque dur va envoyer des informations plus vite que le FireWire 800, là, je pense. Là. Alors, c'est peut-être à cause d'un manque de place. C'est sûr que si vous faites beaucoup de photos... S'il est photographe. S'il est photographe, en RAW, là, c'est sûr que ça prend de la place. Là. C'est comme... c'est pas du JPEG, ça, là. Ça peut monter jusqu'à 25 MB une photo. Là. Alors, c'est comme... c'est le format le plus répandu pour les professionnels. C'est sûr que... Mais en FireWire 800, mettre la librairie au complet et dire à iPhoto d'aller lire sur le disque dur, c'est peut-être un peu normal que vous ayez un peu de la misère à lire, à faire afficher... très rapidement, j'ai 50 000 photos et le 500 gig est pas mal plein. Ouais, c'est ça, en plus. Fait que... Puis iPhoto, il gère bien ça, 50 000 photos. Il ralentit pas. Oui, je mettrais plus Aperture là-dessus. Là. Ouais. Moi, j'irais plus avec Aperture parce que iPhoto, c'est super le fun. Mais ça dépend si c'est... Si c'est professionnel, parce que c'est des photos professionnelles, là, oui, Aperture, ça pourrait peut-être une option un peu plus... un peu plus intéressante, mais si c'est quelqu'un qui prend bien des photos dans la vie, comme ma sœur qui prend des photos... à toutes les fois qu'elle a un Kodak. Oui, exactement. Qui pop dans mon photo stream à chaque fois, là, parce qu'elle prend mon iPad. Non, c'est ça. Fait que peut-être assez... Ben, je sais qu'Aperture, je pense qu'il est rendu 100$ sur le Mac App Store. Là. Mais peut-être assez qu'avec Aperture, il y aurait peut-être moins de problème à gérer peut-être 50 000 photos. Ben, je sais pas si on peut créer plusieurs sous-librairies. Je sais pas. Je connais pas beaucoup Aperture, malheureusement. Non, mais même avec iPhoto. Je suis pas quelqu'un qui est j'aime prendre des photos, mais je connais pas vraiment Aperture, malheureusement. Mm-hmm. Ouais, puis même iPhoto, ça dépasse mon utilisation. Ouais, assez limité. Aperture est à 79$, 79,99$ sur le Mac App Store. Ok, fait que non, c'est ça. Fait que peut-être à essayer, je sais pas. D'après moi, c'est peut-être aussi un problème de mémoire. Peut-être avec une bibliothèque de 50 000 photos, c'est sûr que ça doit rouler un peu dans la mémoire. Là. Ouais, c'est beaucoup de photos. Hein. C'est de la photo. Mm. Ah, c'est ça. Ben, c'est sûr que l'idéal reste un bon RAID en SSD, en Thunderbolt. Oui, mais on est... Ouais, ouais. Le Thunderbolt, c'est sûr que c'est la meilleure solution, mais c'est cher, par exemple. C'est très cher, les disques durs. Là. C'est un bon... T'sais, ils n'ont pas encore baissé. Là. C'est comme Alexis s'est acheté un Seagate GoFlex. Je pense qu'il avait payé 190$, je pense qu'il m'a dit. Puis juste l'adaptateur Thunderbolt, il est 190$. Fait que juste l'adaptateur, là, pas le disque dur. Là. 190$ de plus pour de avoir plus le Thunderbolt. Pour avoir l'adaptateur Thunderbolt. Fait que. What c'est a quoi, deal! C'est un socle, hein, je pense. T'as ton socle USB ou FireWire, puis ensuite tu l'enlèves, puis t'as ton socle Thunderbolt. C'est ouais, ça? Exactement. C'est exactement ça. C'est une pièce que vous détachez, vous rattrachez l'autre. C'est super, là. C'est sauf que c'est ça. C'est 190$ de plus si tu veux avoir le Thunderbolt. Ok. Bon. Fait que c'est ça. C'est calculer 400$. Puis même si vous calculez 400$, même les lacis qui sont double disque dur, il est quand même 450$. Là. Okay. Oui, mais le... OK, il répond. Oui, mais le problème, va-t-il y avoir des problèmes avec Time Machine et iPhoto sur le même disque dur sans partition? Ouais, là, par exemple, il va avoir un problème. L'affaire, c'est que c'est pour ça que ça fonctionne mal. Peut-être aussi, si votre librairie de photos est sur votre disque dur Time Machine, la partition n'est pas la même que si vous étiez sur votre Mac. La partition d'un Time Machine, c'est pas le journalier, c'est l'autre, là. J'ai un blanc, là. Il y a deux sortes. Le Sparse Bundle? Non, ouais, c'est ça? Attends un peu, là. C'est quoi, donc, l'autre partition du qu'on peut choisir, là, mettons, si je... Ah, je peux pas le choisir, c'est vrai, c'est mon système. Extended, quelqu'un dit dans le chat. Ouais, c'est ça, c'est extended, ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, fait que c'est, ça se peut que ça cause un ça se peut que ça cause un problème parce que cette partition là est vraiment faite pour Time Machine et la gestion de gros fichiers. Fait que peut-être faire une créer une partition avec la version journalier du système de macOS et mettre votre bande passante, votre bande passante, votre librairie de iPhoto dans cette partition que vous allez faire. Fait que c'est peut-être le moyen à prendre. Ben, moi, je pense personnellement, je mettrais deux disques. Moi aussi. Peut-être un petit disque USB 2 pour le backup, puis le FireWire pour sa librairie. Hein. Ouais, parce que le transfert il est assez rapide quand tu fais des backups en USB, ça fait très bien l'affaire. Là. C'est vraiment pour transférer par quelqu'un qui aime beaucoup qui fait de l'editing en HD en 1080p du Thunderbolt, c'est super pour lui. Ou justement pour tes transferts de photos, FireWire, Thunderbolt, c'est parfait. Mais l'USB, c'est peut-être un peu trop lent. Là. Si son Mac est vraiment récent, ben, il y a peut-être USB 3 aussi, qui peut regarder les disques. Oui, cette année. Ils sont pas trop chers quand même. Les seuls USB 3 à date, c'est les MacBook Pro. Là. Ah ouais, c'est vrai. Et les iMacs sont pas encore sortis avec le USB 3, fait que c'est ça. Non, c'est ça. Peut-être moi c'est sûr que c'est pas une bonne chose parce que si mettons parce que là l'affaire en plus que si vous avez votre Time Machine et votre librairie de iPhoto sur le même disque dur, puis là vous avez votre disque dur qui plante. Perdez tout. Fait que c'est pas la bonne affaire à faire là, c'est vraiment j'ai un iMac Mi 2007. Fait que c'est USB 2. Fait que c'est ça, c'est vraiment un disque dur backup et un disque dur fichier personnel, là, photos, documents, ces affaires-là. Fait que ben c'est ça. Je sais pas s'il pourrait aller dans une boutique, peut-être Mac, puis avec son iMac, puis faire juste upgrader son disque dur interne aussi. Tu sais, si c'est juste un manque d'espace parce qu'il y a. Il y a 500 gigs seulement d'espace. C'est sûr qu'un iMac, c'est plus complexe, là, mais s'il va dans une boutique spécialisée qui font des réparations ou ce qui change les disques durs quand ils brisent, et ils peuvent sûrement mettre un disque dur 2 teraoctets. Probablement, mais c'est sûr que ça coûterait cher chez Apple faire changer le disque dur interne du iMac. Là. Non, c'est sûr, il serait peut-être mieux d'aller dans une boutique, soit un revendeur autorisé ou... Ouais. Chose comme ça. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Il y a une question mail. Ouais, c'est-tu toi qui avais répondu en même temps? Là, non. Non, c'est pas moi. Fait que on va la poser. Avant la mise à jour de Lyon, la recherche de courriel dans les différents comptes email était graphiquement indiquée par un roulement de ballon ou d'image semblable. Est-il possible de revenir à cette fonction graphique sous Mountain Lion? Il semblerait que la mise à jour de Lyon a amélioré la vitesse de récupération des emails ou qu'elle ait réglé des bugs que vous aviez. J'ai jamais remarqué ce genre de ballon-là, là, je vais vous dire franchement. Là. Non plus, puis je trippais pas sur les recherches sur Lyon. Fait à moins de. Si il n'est pas dans les préférences de mail, là, si vous allez dans les préférences, puis il n'y a pas un onglet de recherche où vous pouvez changer par là, je pense pas qu'il y a d'autres moyens vraiment de le changer. Puis je pense qu'il n'y a même pas de moyen du tout de changer le format de recherche, là, la façon de rechercher. À moins qu'il y ait une commande terminale. Là. Des fois, il y a des commandes terminales pour des paramètres cachés. Comme, mm-hmm. Ouais, ou des anciens, justement, des anciennes options qui ont décidé de ne pas montrer à tout le monde, mais qui est encore dans le système. Là. Ouais, ça, ouais, il y en a souvent quand même pas mal. Là. Ouais, je pense que dans ce cas-là, votre meilleur ami, c'est Google, parce que moi, j'ai vraiment aucune idée. Puis même le niveau graphique, là, je vois pas. Je vois pas grosse différence avec celui-là, là, pour être honnête, là, avec Mountain Lion maintenant. Là. Mm. Fait que, ouais. Ben, c'est ça. Fait que sur ça, messieurs, on va terminer le podcast de ce soir. On n'a plus de questions? Ben non, on n'a plus. Les codes promo de tantôt. Ah oui, il reste les codes. Les codes promo, oui, c'est vrai. Je vous ai pas demandé pour rien, toujours? non, c'est sûr que non. En fait, envoyez-nous. Oui, parce que là, ça, on est vers la fin. OK, on va essayer de trouver une question pendant ce temps-là. Oui, je l'ai trouvé, moi. Si vous voulez avoir les codes promo de. Je pense que c'est quoi? Heavy. C'est ATV Flash Black. ATV Flash Black. Oui. Qu'on a parlé dans le podcast de Ma Québec, qu'on vous a obligé à écouter notre show au complet pour pouvoir avoir les codes. Jeff, t'as-tu une idée de question ou on fait juste demander un courriel? J'en ai une question, mais il faut dire aussi qu'avec ce logiciel-là, il faut que vous ayez absolument une Apple TV. Fait qu'écrivez-vous pas si vous n'avez pas d'Apple TV, parce que ça vous servira à rien, ce code-là. Fait que ça vous prend une Apple TV deuxième génération. La question qu'on va poser est que Vincent va mettre une page concours sur... macquebec.com parce que c'est... On pourrait juste comme écrivez-nous à podcast@macquebec.com si vous avez la question, puis les deux premières personnes qui vont m'avoir écrit je leur donnerai le code. Okay. Ça serait tout simple que ça, je pense. La question: quel est le logiciel dont vous avez besoin pour faire un job break de l'Apple TV deuxième génération? L'outil, en fait, c'est ça? L'outil, oui. L'outil logiciel, oui. Ouais, tu dis-tu que ça vient de la même compagnie? Ou... on peut dire que ça vient de la même compagnie, exactement, oui. Ça fait que si vous allez sur le site de l'application qu'on vous donne, vous allez voir qu'il y a un onglet sur un autre logiciel qui commence par un S et que c'est la même compagnie qui fait le jailbreak de l'Apple TV. Ou si on fait la promotion de... je pense qu'ils sont un petit peu... C'est-tu dans nos articles? Non, laissez faire. Non, je pense pas qu'on ait mis ça là-dessus. Je pensais qu'il y avait un article sur ça, mais non, laissez faire. Je peux faire la promotion de Ma Québec, aller sur notre site, là, mais c'est dans aucun de nos articles. Ouais, c'est ça. Il y a aussi les dons, peut-être? Oui, ben, si vous voulez supporter Ma Québec, là, en ce moment... On finit notre saison aujourd'hui, ce soir. Donc, on fait une grosse pause de 3 semaines. Puis on recommence dans 3 semaines, le 12 septembre. L'événement qui n'est pas encore confirmé d'Apple. Donc, si vous voulez supporter justement Ma Québec, vous pouvez le faire sur la page macquebec.com/entre-direct. Donc, en dessous du chat, il y a le bouton « Faire un don unique ». Ou sinon, si vous voulez vous abonner puis donner un montant... ici par mois, ça va de 1$ à 100$. Si, à 100$, on aimerait ça que vous nous contactiez directement. On s'arrangera d'une commandite quelconque. Là. Juste un 100$ comme ça, c'est gentil, mais je me sentirais mal de juste recevoir un don de même juste pour nous supporter. Là. Mm-hmm. À chaque mois en plus. À chaque mois. Ouais, chaque mois en plus. 1200$ par année. On serait très contents. On serait très contents, là. On vous encourage à le faire aussi. Ou sinon, ben, Jeff, on te retrouve où? Moi, on peut me retrouver sur Twitter à JFroy1979. Sur tous les autres médias sociaux aussi, je porte le même nom. Et toi, Patrick? Allô? Patrick? Oui, ça a coupé, excuse. Ah. Et toi, on peut te rejoindre où? Ah, moi, sur Twitter, Page Charme. Facile. Simple et rapide. Bon. Merveilleux. Et toi, Vincent? Moi, on peut me retrouver sur, comme j'ai dit, une partie des internets, à DEVVMiller sur Twitter, ou sinon, sur une autre partie des internets, à vmiller.ca, si vous voulez développer une application iPhone et iPad. Puis maintenant, j'ai commencé à faire des infographies. Je trippe, je trouve ça vraiment fun. Fait que si vous décidez, ben, vous voulez avoir une infographie, une infographique Contactez-moi. j'ai eu bien du fun à créer celui de Mac Québec. J'en crée un autre pour le fun. Puis j'aime vraiment ça. Là. C'est... Ouais, il était beau. Pardon? Il était beau, ton premier. Je suis content. En plus, je l'avais fait dans Illustrator, fait que je l'ai en vecteur. Là, fait que, non, c'est pas bien ça. Tu peux le grossir comme tu veux. Puis... C'est ça, exactement. Fait que si vous voulez un infographique, vous pouvez me contacter. Ou sinon, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, je viens de voir deux courriels qui sont rentrés. Donc, on a nos deux gagnants. Soit Daniel Abel, c'est 777. Ouais. Puis l'autre personne qui est arrivée en premier, Steven Frisco. Donc, les deux gagnants. La réponse était Season Pass. Donc, c'est l'outil qu'on utilise pour faire le jailbreak de l'Apple TV 2. Là. J'espère qu'ils ont vraiment des Apple TV 2. je pense que oui. Daniel, il me semble que oui, il en avait déjà parlé. Steven, je ne sais pas, mais j'imagine. Donc, ça, félicitations. Je vais vous envoyer le code là, dans quelques minutes. Donc ça, c'était ça pour les amateurs de Mac Bonsoir. Dernière mission de la saison, on se revoit dans le 12 septembre. Espérons qu'il va y avoir justement une nouvelle présentation des produits de l'iPhone, en fait, qui serait présenté. Puis on espère un peu le iPhone 5 avec le nouveau connecteur puis le plus grand écran. Qu'est-ce que tu demandes? Ben moi, c'est pour que je puisse me débarrasser de ça. Ah, Android. HTC. On va te détruire quand l'iPhone va. Ouais. Non, je vais quand même le revendre parce qu'il vaut quand même de l'argent. Ouais, non, ok. Ouais. Bon, fait que, bonne soirée, tout le monde. Fait que, merci, bonne soirée. Merci. Bye bye. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time.